Donc j'ai fait mon apprentissage dans l'espoir de me sortir de mes cours, parce que je trouvais un peu rétréci mes horizons. Et donc j'ai commencé cet apprentissage qui a été, je dirais, assez dur pour moi. Pour quelle raison ? Parce qu'on travaillait 10 heures par jour et que malgré tout, à 14 ans, c'est très difficile à supporter.